Section 3. Chapitre 5. Les rues. Le pont domine une large rue fort animée et bordée de boutiques grandes ouvertes. Des rideaux découpés en lanières abritent les devantures et sont couverts de larges caractères indiquant la profession du marchand. Le vent agitant ces espèces d'oriflammes aux tons sombres, aux dessins éclatants, permet au regard de plonger dans les intérieurs et de traverser toute l'habitation dont on a enlevé les cloisons à cause de la chaleur. Et, comme fond de tableau, on aperçoit toujours une cour plantée d'arbres, un gracieux jardin pittoresquement disposé et habilement éclairé. Du reste, tous les détails nous étonnent et nous charment. Rien n'est laissé au hasard dans la disposition des objets. Tout fait tableau. L'art préside à tout, et un art plein de finesse, de sobriété et de bon goût. Les habitants nous accueillent le sourire aux lèvres et se prêtent volontiers à notre curiosité de nouveau débarqués. Ici, une échoppe de barbier. Les jeunes garçons, vêtus de tuniques blanches comme des éphèbes d'Ionie et coiffés à la dernière mode de Paris, sollicitent avec insistance l'honneur de notre pratique. Nous n'osons pas pourtant nous risquer. Là, un puits où les femmes viennent chercher de l'eau. De belles filles blanches et roses nous révèlent un Japon des plus caucasiques. Quand on a vu dans un pays les femmes à la fontaine, on connaît les types, les poses, les costumes, les coutumes, les expressions de visage, les manières d'aborder, de se quitter, les rites de la conversation, les intonations de voix, les gestes, les caractères. On sait déjà la moitié du pays. Les maisons sont peintes en noir et les tuiles sont couleur ardoise. Ce serait un peu triste si les courbures des toits, les élégances des antéfixes ornementés et les éclats des enseignes ne venaient égayer l'ensemble. Et de même que dans le costume des femmes, un bout d'étoffe rouge, bleu ou violette vient réveiller la sensation grave produite par le foncé des vêtements, de même dans l'ornementation des maisons et des intérieurs, un caractère peint, un petit rideau ou une simple fleur dans un vase animent et réveillent l'ensemble trop adouci et trop éteint. Parmi les lettres incompréhensibles qui se tordent en méandres compliqués sur les murs et les devantures des boutiques, trois caractères européens viennent frapper nos regards. I, C, E. En anglais, cela veut dire ice, glace. Et, soit pour esquiver le soleil qui nous frappe sans pitié dans cette vaste rue, soit pour essayer de boire quelque chose de rafraîchissant, nous entrons dans la boutique où l'on nous confectionne une boisson américaine avec de la glace d'Amérique râpée au rabot. Au centre de l'établissement est un superbe vase en bronze qui porte une unique branche d'arbre à fleurs jaunes. Des enfants, des femmes viennent, pour quelques sous, boire des sirops froids et parfumés. Tout le monde est souriant, gracieux, avenant au possible. Il faut pourtant continuer la promenade. Nous arrivons dans une grande rue qui mène à la gare et où les boutiques sont pleines d'objets d'art, faïence, porcelaine, laque, bronze, ivoire. Mais tout cela sent un peu la pacotille. Les Japonais font l'article exportation tout comme nous. Les garçons de magasin, accroupis sur les nattes, sont vêtus d'un unique kimono qui cache mal la nudité partielle que leur impose la température. Je pense à ces jeunes commis des boutiques d'Alger, dont les membres blancs et découverts ont quelque chose de si efféminé. Mais au Japon, la nudité est inconsciente, et ce qui fait surtout la différence, c'est qu'au lieu d'avoir l'impassibilité ennuyée des musulmans, les Japonais sont vifs, ouverts, provoquent l'acheteur au lieu de paraître le subir. Encore l'Antiquité. Des jeunes gens sortent d'une école. Leurs habits drapés, leurs pieds nus, leurs manches retroussées, leurs cheveux coupés à la grecque me rappellent les jeunes Athéniens du temps de Platon. C'est bien ainsi que devaient se grouper les gracieux compagnons de Socrate lorsqu'ils se rendaient sous les grands platanes des bords de l'Ilissus. Chapitre 6. Petit dialogue en manière d'avis au lecteur. À l'hôtel, on cause, et je subis naturellement les interrogatoires d'usage. Monsieur vient au Japon pour faire du commerce. Non, monsieur. Alors c'est pour faire de la banque. Pas davantage. Sans doute monsieur est appelé ici comme employé du gouvernement japonais. Encore moins. Monsieur est probablement dans la diplomatie. Pas le moins du monde. Peut-être dans le journalisme. Du tout. Vous voyagez donc pour votre plaisir? Pas précisément, je ne voyage ni pour mon plaisir, ni pour celui des autres. Je viens étudier les religions de l'Extrême-Orient. Après un moment de stupéfaction, on revient à la charge. Monsieur est missionnaire catholique? Non. Pasteur protestant? Non. Vous êtes littérateur et vous voulez faire un livre sur le Japon? Sans doute, et peut-être plusieurs. Allons bon, ces touristes sont incorrigibles. Vous allez passer un mois ici, et à votre retour en France, vous allez écrire sur les mœurs, la nature, la politique du Japon. Mais, monsieur, vous n'en saurez pas le premier mot. Nous, qui habitons ce pays depuis 15 ans, nous nous garderions bien de publier une ligne sur cette contrée incompréhensible. Mais alors, permettez-moi de vous faire observer que puisque les vieux résidents comme vous n'écrivent rien sur le Japon, il faut bien que les voyageurs de passage en disent quelque chose. Et puis, il y a deux manières de parler d'un pays. Il y a le procédé statistique, qui vous donne des renseignements exacts sur la population, les productions, le commerce, les lois, etc. Et le procédé artistique, qui ne cherche qu'à rendre les impressions reçues, fussent-elles de quelques minutes. Et ce sont ces premières impressions, croyez-le, qui sont les plus vives. Oui, et c'est par ce procédé qu'on arrive à faire un ouvrage qui fourmille d'erreurs, parce que sur la moindre chose, on est mal renseigné. Si vous saviez comme tout ce qui se publie sur le Japon nous fait rire, vous mettriez votre carnet de voyage dans votre poche et vous l'y laisseriez jusqu'à votre retour en France, pays sur lequel vous en savez plus long que sur celui-ci, et sur lequel vous feriez bien de dire la vérité. Je m'en garderai bien. Quand je voudrai savoir ce qu'est la France, je lirai les impressions de voyage d'un Japonais. Et c'est par cette même raison que lorsqu'un Européen veut connaître le Japon ou tout autre pays d'Orient, il recherche les photographies, les croquis des voyageurs et les impressions des touristes, avec la certitude que ces notes, prises au jour le jour, feront voyager le lecteur lui-même et lui donneront sa part des plaisirs et des ennuis, des joies et des mécomptes, des enthousiasmes et des déceptions qui constituent l'attrait d'une excursion autour du monde. À votre aise, monsieur, mais vous allez bien nous amuser. C'est donc dans l'intention d'être agréable à ces messieurs que je continue à prendre des notes et à étudier avec soin les moindres sensations que cet intéressant voyage me fait éprouver. Chapitre 7. La colline. La colline, c'est bien le point le plus européen de tout le Japon. Sur cette éminence qui longe le sud de la ville, les villas élégantes se cachent dans les plis du terrain, parmi les arbres verts et les bosquets de bambous. Tout voyageur au Japon a été accueilli dans ces cottages si confortables et a reçu des résidents cette plantureuse et cordiale hospitalité qui caractérise les maisons de l'Extrême-Orient. Des points élevés de ce charmant plateau, on aperçoit à gauche la baie de Yokohama et à droite cet autre golfe appelé Mississippi Bay, sans doute par les premiers Américains qui ont abordé au Japon. À travers les grands arbres aux silhouettes mouvementées, on voit dans le lointain se dresser le Fujiyama, la montagne sainte, le volcan aux lignes pures, le trône des dieux du pays, Dieu lui-même, vénéré, adoré, aimé pour sa beauté et sa grandeur. Le versant de la colline, qui est exposé au nord et qui domine Yokohama, est peuplé de villages et de temples, noyés dans les ombrages. Si l'on se promène par les sentiers qui circulent à travers les habitations, on assiste aux scènes les plus intimes. Les maisons japonaises se démontent complètement. Par ces temps de chaleur, on enlève tous les panneaux de papier qui servent de murailles, et les habitants travaillent, causent, dorment en vue de tous les passants. De plus, l'usage est de prendre au moins un bain par jour. Or, ce n'est pas la présence des voyageurs qui gênera en rien les hommes, les femmes, dans l'exercice de ces devoirs de propreté. « C'est de la dépravation, » va-t-on s'écrier. Moi, je réponds, c'est de l'innocence. Et la preuve, c'est qu'on ne comprend rien ici au nouveau règlement de police qui interdisent ces exhibitions coram populo. On avait affaire à des Èves, avant le péché, inconscientes de l'inconvenance, ignorantes du shocking. Et voilà que les regards curieux des gentlemen, les cris effarouchés des ladies, révèlent un péché ignoré. Je le déclare, la pudeur est un vice. Les Japonais ne l'avaient pas, nous le leur donnons. Fin de la section 3.